ça c'est bon but. Autour du feu, présenté par Plantcaster et Damien. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans Autour du feu, votre podcast hebdomadaire analysant chaque épisode de la saison 20 de votre programme préféré, Koh-Lanta. Sans plus attendre, passons à la présentation des intervenants radio du jour. On va commencer par les anciens, les habitués. D'abord, mon acolyte, mon associé de toujours, je vous demande d'accueillir Damien. Salut Plantcaster, salut tout le monde, comment ça va? Ça va tranquille et toi? Alors, Très bien, écoute, c'était un très très bon épisode hier et je pense qu'on va bien se marrer à le débriefer. Ensuite, notre deuxième ancien était déjà là la semaine dernière, il revient cette semaine. C'est le fondateur de Big, le forum le plus connu des fans de Koh-Lanta, Felouz. Salut tout le monde, bah, toujours administrateur de Big, hein, sinon rien de neuf. J'ai bien aimé l'épisode de Koh-Lanta qu'on a vu hier. Et puis voilà, j'ai hâte d'en parler avec vous. Je remercie Plancaster et Damien de me réinviter. Et c'est avec plaisir que je fais cette émission. Merci à toi pour cette présentation. Alors maintenant, nous allons accueillir deux personnalités un peu connues du monde de Koh-Lanta. Le premier est rédacteur des tops de Topito pour Koh-Lanta, mais également Top Chef. Il a une petite communauté de fans sur Twitter, plus de 25 000 followers, il me semble. Freeze. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, c'est pas du tout 25 000, mais bon, je prends quand même, c'est pas grave. Excuse-moi, non, c'était ton premier compte qui avait 25 000. Ouais, c'est ça. Non, donc oui, Freeze, effectivement rédacteur, effectivement grand fan de Koh-Lanta depuis un bon moment, et je fais effectivement les débriefs sur un site assez connu, avec des gifs et des blagues plus ou moins bonnes, mais en tout cas avec un vrai plaisir, et je suis très content de pouvoir être là ce soir aussi. On est ravis en tout cas que tu as accepté l'invitation. Et enfin, le dernier intervenant, c'est peut-être le plus connu des intervenants ici. Il est connu pour ses parodies sur YouTube. Je vous demande d'accueillir Space Babies TV. Donc appelez-moi David, hein, ce sera plus simple que David. Ce pseudo improbable. En tout cas, moi je suis ravi d'être là et puis ça va être sympa de discuter avec vous de Koh-Lanta en général et puis de l'épisode d'hier aussi parce qu'il y a eu plein de choses, pas mal de trucs bien marrants. Donc je pense que ça va être sympa. J'aimerais tous vous remercier pour avoir accepté l'intervention radio. J'aimerais faire aussi une grosse dédicace à tous les spectateurs qui sont là sur le chat. Manifestez-vous sur le chat, les spectateurs. Sans plus attendre, on va passer au programme de ce podcast. Podcast divisé en trois parties. La première partie qui va parler de la dynamique de l'épisode en général, donc du début à la fin, hein, classique, hein, avec donc, ce qui s'est passé, avec le retour de Fred jusqu'à l'élimination. La deuxième partie va être un peu plus, on va dire, chaude, dans le sens où on va essayer de remettre en question un petit peu le montage et tout simplement la manière dont ALP filme Koh-Lanta et nous donne Koh-Lanta, ainsi que la règle des abandons qui est en train peut-être de fausser la saison. Et enfin, la troisième partie sera un peu plus détente, où je vous proposerai la suite du jeu de la semaine dernière, c'est-à-dire parier sur les personnes qui ont le plus de chances de partir à l'épisode prochain. Et puis, on donnera nos pronostics sur les épisodes à venir, sur qui a le plus de chances d'aller au bout. Je suis un peu malade, je m'en excuse. Voilà, c'est mon âge qui a décidé de frapper. Et sans plus attendre, voilà, donc j'ai fini la petite présentation et nous allons commencer par l'épisode en lui-même. Donc l'épisode 2, on va commencer par le premier tournant de cette saison, l'abandon d'Alizéa, le retour de Frédéric, donc l'un de nos personnages préférés cette saison, qui veut commencer à parler. Bah je peux. Vas-y. Oui, bah c'est à moitié une surprise concernant Alizéa. Je crois que même déjà la semaine dernière, il y avait eu des images où on la montrait un peu faible, un peu en dedans physiquement, donc c'est à peine une surprise. Ce qui est toujours, je pense qu'on y reviendra, mais ce qui est toujours un peu dommage, après même pas deux jours d'épreuve, deux jours de Koh-Lanta effectif pour les candidats, qui est déjà une candidate ou un candidat éliminé forfait. C'est assez surprenant quand on connaît un peu les tests physiques, etc. Après, forcément, sur place, c'est très différent. Mais là, pour le coup, on se demande quand même si le casting n'a pas été un peu raté, au moins par rapport à elle, cette candidate-là, parce que quitter l'aventure aussi vite, après aussi peu d'épreuves, ça remet quand même pas mal de choses en question. Moi, j'ai pas vraiment d'avis par rapport à ça, mais en tout cas, je trouve un peu problématique parce que ça fausse quand même pas mal la donne. Mais effectivement, ça permet le retour de Frédéric, qui est un peu... mon chouchou, et je pense que c'est le chouchou de beaucoup, parce que c'est un vrai personnage et un vrai profil un peu atypique, et ça fait du bien. Mais du coup, voilà, c'est un peu contrasté, parce que cette règle-là pose un peu question et le profil des candidats qui sont aussi vite forfaits, je trouve, pose aussi question sur cette édition et sur certaines éditions précédentes. On avait eu le cas de Marius, je ne sais plus, c'était il y a 2 ans, je crois. Ouais. C'était pareil, il était parti au bout de quelques jours, il avait vraiment craqué pour le coup, mais lui, c'était plus moralement. Hein, c'est assez étonnant, justement, que le casting se trompe des fois comme ça. Ouais. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que moi, je me rappelle que Denis Brognard avait dit ça, c'est que dans Koh-Lanta, les 4-5 premiers jours sont vraiment les plus difficiles parce que après, le corps se met un petit peu, enfin, s'adapte. Et ce qui et surtout, c'est que je remarque que déjà, c'est des gens qui sont assez jeunes, des profils assez sportifs. Et c'est vrai que quand votre métabolisme est habitué à ingurgiter 3000 calories par jour, quand brutalement vous vous retrouvez à en ingérer 250-300, il y a beaucoup d'organismes qui ne le supportent pas. Et je pense justement que ça, c'est peut-être une donnée qu'on ne peut peut-être pas forcément avoir dans les tests finaux du casting. Là, c'est sûr que tu ne manges pas un poulet au petit-déj, quoi, c'est clair. Exactement, et c'est vrai que malheureusement, ce genre de pratique est quand même déjà arrivé par le passé et assez fréquemment dans ces saisons récentes. Rappelez-vous, Marine, il me semble que c'était dans Fidji, qui abandonne aussi assez tôt, et également Charlie de Thaïlande, qui avait été aussi contrainte à l'abandon, elle, vraiment, dès le début du jeu. Donc, mine de rien, il s'est déjà arrivé par le passé, cette petite erreur de casting, on va dire, qui ne fausse pas tellement le jeu parce que c'est des profils qui allaient sauter très rapidement, mais qui accélèrent un peu le processus et qui quand même remet en question un tant soit peu le casting d'ALP qui sera déjà sous le feu de nos critiques tout à l'heure. Felouz, on t'a pas entendu à ce sujet, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Eh ben écoutez, moi j'ai qu'une chose à dire, ou plutôt 2 mots à dire. Bon débarras, enfin elle s'est barrée, elle servait à rien. Merci à la prod de l'avoir tège, parce que les conditions dans lesquelles elle est partie quand même sont un petit peu abusées, on ne sait pas trop, on nous parle d'abandon médical, certes on veut bien le croire, mais quand on sait qu'ALP s'amuse de temps en temps à manipuler les règles dans leur sens, bon, c'est très bien, ça fait partie du jeu. Et puis on gagne Frédéric. Frédéric est un excellent élément divertissant. On le voit, il est tellement maladroit qu'il ne savait même pas, il ne se rappelait même pas qu'Alizea était dans son équipe. Quand même, ça a été magique, mais c'est un moment magique à la télé. C'était incroyable. J'étais trop heureux dans mon canapé mec, en voyant ça. Ce mec n'est pas un bon stratège, mais est absolument génial et il va nous faire vivre encore de bons moments. Il vit entre, comme disent les fans de Koh-Lanta qui vont dans Koh-Lanta, j'ai fait mon Koh-Lanta et lui il vit son Koh-Lanta. Et ben merci. C'est moi ça. Je préfère voir un Frédéric plutôt que Alizea qu'on va voir comme ça vite fait dans le décor et qui ne va servir strictement à rien. Donc bon débarras, merci, au revoir, à dégager. Ah putain, je suis 1000 fois d'accord avec toi, hein, c'est tout à fait ça. Et Fred, alors pour la petite histoire, je l'ai eu ce matin au téléphone, il est ultra surpris de ce capital sympathique qui est autour de lui. Et il m'a dit, mais je comprends pas, sur Twitter, j'ai 600 notifs d'un coup. Et il a vraiment un gros capital sympathie. Et justement, parce que c'est le candidat improbable, c'est le candidat maladroit, c'est le Pierre Richard de la saison. Et, on attend d'être étonné par lui, quoi. On sait pas s'il est, il va être plein de surprises et c'est très, très bon. C'est voilà. Là qu'on peut quand même se poser des questions. Enfin, aussi remercier, enfin, voir un petit peu tous les profils qu'on peut avoir dans ALP, c'est vrai que il faut pas qu'ALP hésite à prendre des profils un peu de Jean-Claude Duss, de Pierre Richard, comme Frédéric se définissait, parce que ça permet aussi de passer du bon temps. Parce que quand on sait qu'ALP, enfin, ou généralement les jeux d'aventure vont se tourner autour des clashs, autour des manigances, ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'un peu naïf devant nous, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est presque plus un personnage qu'un candidat, mais effectivement, il a une grosse cote de sympathie, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'il a ce côté gaffeur, etc., qui sort un peu du lot. Et je pense que c'est, pour la production, un profil super intéressant, parce que c'est aussi ce qui fait parler, au-delà même des épreuves, des candidats un peu plus aguerris, etc. Lui, on va en parler, je pense, autant que ceux qui ont une vraie chance de gagner. Donc, c'est tout bénef pour la prod, ça, c'est évident. Petit clin d'œil à la vidéo qu'a mis Fred hier. Mais c'est incroyable au niveau de l'autodérision, mais c'est excellent. Il a pris vraiment tous les trucs, l'équilibre, l'horloge, enfin voilà, toutes les gaffes qu'il fait, il s'en est servi pour de l'humour. J'ai trouvé ça énorme. L'autodérision, j'adore, vraiment. Alors, on va reprendre quelques commentaires de téléspectateurs. Donc, Cruyffismo qui nous dit que Alizea était une erreur de casting, tout simplement. Bon, je pense qu'on est assez d'accord avec ça. Clément nous dit quand même qu'elle était candide, fraîche et qu'elle aurait peut-être pu apporter quelque chose, mais qu'au final, bah, c'est comme ça, pas autrement. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Il n'y en a pas tellement. Vous êtes plutôt d'accord à la majorité sur Alizéa. Alors, Cersei nous dit quand même qu'on ne peut pas trop juger Alizéa sur un épisode. Mais bon, le premier épisode, elle ne semblait pas très intéressante. On la juge sur deux épisodes, pas qu'un épisode. L'épisode 1, franchement, ce qu'elle nous a montré, c'était pas non plus du grand art. Donc, Elle a rien montré du tout. Faut dire ce qu'il y a, elle a rien montré du tout. Moi, si elle avait montré, même dans son portrait, enfin, je veux dire, je me rappelle même plus si on a vu son portrait d'ailleurs, pour tout vous dire. Et puis, de toute façon, y a aussi Rachel qui nous dit que le fait qu'il n'y ait rien dit sur Alizéa ici est très évocateur avec un smiley lol. Je pense que ouais, ça reflète bien un petit peu tout simplement nos avis sur cette sympathique jeune femme qui nous a malheureusement quittés. On va continuer à aller un peu plus loin dans l'épisode. Alors, il y a eu quelques petits moments de strat entre équipes. On va commencer par l'équipe bleue, avec le retour de Fred. Qui veut parler un peu de la dynamique bleue ? Personnellement, c'est mon équipe préférée, hein, pour l'instant, l'équipe bleue. Hier, j'avais fait un petit sondage sur un débrief que j'avais fait, et pareil, c'était vraiment l'équipe qui ressortait. Je trouve qu'elle est, elle est très sympa entre Maxime, Mohamed. Il y a vraiment un bon potentiel. Je trouve que voilà, elle est. Pour moi, c'est l'équipe que je préfère. J'ai mon petit coup de cœur dessus. Très bien, très bien. Alors, l'équipe bleue est une équipe intéressante aussi. D'un point de vue personnalité, je pense notamment à Cindy. J'aime bien Maxime aussi. Maxime, il est un. Il se fond dans le truc. Maxime se fond dans le jeu. Il a des choix en plus confiants. Donc j'aime assez le personnage. J'aime bien Cindy, comme je l'ai dit, parce que Cindy, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Donc les gens qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent dans Koh-Lanta, c'est sympa. Et puis, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, mais le problème, c'est qu'elle pense pas grand chose quand même. C'est bon ça. Allez, on commence là. Là, j'ai dit que ça, j'aime bien. Vas-y, c'est bon. Ah non, mais soyons honnêtes, qu'est-ce qu'elle apporte à part ses plans de bronzage sur la plage ? Ça, c'était bon aussi. Au moins, on voit des bouffes, les gars. Ouais, c'est la seule consolation. Ouais, mais sur l'épreuve, elle a quand même été forte. Elle a quand même démontré des capacités qui étaient pas mal. Et sachant qu'en plus, la dernière épreuve, elle était pas super. C'est moins qu'on puisse dire, mais. Moi, j'ai trouvé, ouais, mais justement, c'est une bonne capacité. Ça veut dire qu'elle a la capacité de rebondir. Et les gens qui ont la capacité de rebondir dans Koh-Lanta, c'est quand même une bonne chose. Je suis assez d'accord. Après, au-delà de ça, c'est que 10 minutes pendant une épreuve où c'est ton seul fait de gloire, sachant qu'on ne va pas se mentir, c'est très rare que ton seul fait d'arme, quand il s'agit d'être bon dans les épreuves, te permet d'aller loin. Au final, ça ne permet pas non plus de dégager une certaine personnalité, ça ne permet pas non plus d'être apprécié, on va dire. C'est pour ça qu'on est aussi c'est pour ça qu'elle est aussi impopulaire un petit peu, je pense. Et puis, il y a l'épisode aussi de la semaine dernière qui n'arrange pas son cas, où elle a un profil, où elle n'arrête pas de dire qu'elle est géniale, machin, alors qu'on s'en branle royalement de savoir ce qu'elle pense d'elle. Et l'élimination peut-être de Fred, où certes, elle n'avait pas grand-chose à faire de plus, mais où on a pas l'impression qu'elle a tenté de faire quelque chose. Malheureusement pour elle, ça joue aussi en sa défaveur. Alors, il reste encore du temps. Ouais, mais c'est pas un avis que je partage du tout. Non, mais t'as le droit, t'as pas de souci. Dans l'épisode 1, moi je trouve que, Cindy, encore une fois, enfin, qu'est-ce que vous voulez, elle est pas forcément stratégique, ça c'est clair, mais elle était pas contre non plus la stratégie, et encore une fois, c'est Frédéric qui a apporté le truc, et voilà, quoi, je veux dire, au bout d'un moment, faut aussi voir les deux côtés du truc, et moi je trouve que le fait qu'elle bronze comme ça, seins nus sur la plage, moi ça me fait marrer, quoi. Moi je trouve ça drôle. Voilà. Ah, c'est surtout inattendu, quoi. Tu te dis que quand t'es à Koh-Lanta, bronzé et tchouch à l'air, c'est quand même inattendu. Bah justement, c'est inattendu. Bon, c'est marrant, quoi. Amit, si on le prend comme ça, ouais, ça je veux bien l'entendre. Damien, t'as pas trop entendu sur ce cas-là ? Ouais, alors sur Cindy, déjà, je pense qu'elle est. C'est plutôt subtil parce qu'elle est plutôt bien dans son équipe sans pour autant être en première ligne. Elle dit ce qu'elle pense, et puis le coup de sa bronzette sur la plage, mais c'est extraordinaire. Mais ça fait du bien, justement, de voir des candidats qui prennent le jeu avec légèreté, qui ne sont pas tout le temps dans cette espèce de charge symbolique de l'aventure, des valeurs et tout, qu'elles n'ont justement, elle veut se détendre. Elle se dit, voilà, j'ai quand même de la chance d'être là, je bronze. Et ça, justement, c'est une attitude que j'aime bien voir et qui fait du bien, je trouve. C'est vrai qu'il y a quand même des avis assez divergents parce qu'on a un peu vraiment tout et son contraire avec Freeze et Space Babies qui sont pas forcément en faveur de Cindy alors que Damien et Felou sont plutôt en défaveur. J'essaie de prendre quelques commentaires là. Alors, à part bien sûr la séquence sexiste qu'on ne va pas relever. Il y a Always qui nous dit que Cindy ira direct chez les anges et elle perdra son aura d'aventurière. Cindy n'intéresse pas tellement le chat, j'ai l'impression. Donc, on va plus être du côté de Freeze et de Space Baby, j'ai l'impression. Ah si, il y a Ima Survivor qui nous dit qu'il aime Cindy. Pourquoi pas, hein. Moi, j'aime bien Cindy et je suis pas sûr que le fait de faire du topless, ça l'envoie direct aux anges, quoi. Hein. Franchement, c'est un peu... Non, après, c'est vite fait, quoi. Je pense que c'est plus une blagounette pas piquer des hannetons du camarade Always. Alors, est-ce que vous avez encore des mots à dire sur les bleus? Oui, bah justement, je voulais rajouter un petit peu, c'est par rapport à Frédéric, c'est qu'il a une phrase très intéressante, à un moment, il disait que j'ai été discret et ça n'a pas payé. Et je pense que pour le premier épisode, il avait dû confondre discrétion et effacement, et que là, du coup, on le voit quand même beaucoup plus détendu, beaucoup plus dans une meilleure position socialement avec ses camarades, et justement, je pense que sa sympathie, je dirais même sa bonhomie naturelle, va lui permettre sans doute de passer quelques conseils, et on risque de le voir encore un petit peu. Alors, Always nous dit, on a fait l'oublier, la décision de Maxime sur le kit de pêche. Est-ce que vous voulez réagir à ça? On peut déjà parler de la nouveauté, parce qu'en soi, je crois que c'est la première fois où il y a un choix, en tout cas aussi précis sur la récompense d'une épreuve. Ça, c'est plutôt intéressant sur le principe, à voir si c'est repris à chaque fois ou si c'est juste par épisode ou assez rare. Mais en tout cas, le principe est intéressant. Après, sur le choix en lui-même, bon, c'est plutôt discutable. Je pense qu'effectivement, je ne sais plus quel candidat disait avait cet argument assez juste, comme quoi, effectivement, le kit de pêche est plus dur à fabriquer qu'un toit, ce qui me semble assez cohérent quand même. Mais je pense que quelle que soit sa décision, Maxime est suffisamment bien vu par son équipe pour l'argumenter, pour la gérer, et que ça ne créera pas de gros problèmes, même si c'est discutable. Très bien. Alors, c'est vrai que je vais prendre quelques commentaires, parce que là, il y en a quand même quelques-uns. Là, il y a pas mal de débats là-dessus. Donc, Rachel qui nous dit que c'est un mauvais choix. Ima Survivor nous dit que c'est une très bonne décision, la bâche est indispensable. C'est nous dit que le toit, ils peuvent le faire eux-mêmes, donc c'est pas tellement un bon choix. Alors plutôt dû prendre le kit de pêche. Alors, l'avantage, c'est vrai que le kit de pêche, c'est vrai que ça te nourrit pour le reste du jeu, c'est du long terme. Je pense très honnêtement que ça n'a vraiment aucune importance. Alors le choix, le truc du choix est marrant, parce que ça peut créer effectivement des frictions au sein même de l'intribut. Donc c'est toujours bon à prendre, c'est toujours ça à prendre. D'un point de vue choix, il y a toujours le côté est-ce que je prends la bonne décision et tout. Mais bon, les deux choix qui sont proposés, franchement, ça n'a aucune importance. De toute façon, à la réunification, tout le monde aura le kit de pêche. Tout à fait. Finalement, je dirais même autant prendre les lentilles, puisqu'au moins tu vas avoir à bouffer sans finalement faire trop d'efforts. C'est plutôt un bon choix de sa part, mais en fin de compte, ça n'a pas tellement d'importance. Alors que, à la limite, ce qui pourrait avoir de l'importance, c'est peut-être si le choix qu'il avait à faire était d'ordre stratégique avec un objet qui pourrait lui donner du pouvoir. Aussi, par exemple, s'ils avaient voulu, par exemple, ne pas donner le kit de pêche rouge, puisque le kit de pêche rouge, on imagine que les mecs, ils vont aller pêcher facilement, donc peut-être stratégiquement ne pas leur donner le kit de pêche, mais je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance. Les avis, encore une fois, c'est divergent. Creufismo qui nous dit qu'il adore les conforts court terme, et là où je suis d'accord avec lui, c'est que ça incite à réfléchir et à prendre une décision rapidement, ce qui influe énormément sur la dynamique du jeu, et je trouve ça beaucoup plus percutant qu'une décision faite pour durer ad vitam aeternam. Et du coup, peut-être que Maxime, peut-être qu'on n'a pas l'explication, mais peut-être que Maxime a fait ça en s'appuyant sur l'explication que Flouz vient de nous donner, et dans ce cas-là, ce serait peut-être cohérent, oui, en effet. Ouais, je disais, ce serait pas étonnant, parce que Maxime a quand même une pensée extrêmement cohérente depuis le début. On l'a vu, on en avait parlé au premier épisode, ou avec de splitter au moins un vote sur Alizea et tout. Je pense qu'il est posé, il a de bonnes décisions, il n'a pas l'air d'être trop remis en question par sa tribu. Donc je pense que justement on peut faire confiance. Après, à voir justement comment sera la suite, s'il y a un éventuel swap ou chose comme ça. On va passer aux jaunes. Donc, les jaunes avec leur chef d'équipe qui est énormément contesté. Alors, on va rappeler quand même leur chef d'équipe, c'est Béatrice. Béatrice, hier, elle s'est bien coincée du cul. Hein. J'ai bien aimé Nicolas, l'homme de l'Atlantide, hein, Aquaman, qui a complètement foiré son épreuve. Mais c'était assez étonnant. C'était pire que GG, quoi. C'était ce niveau-là, quoi. Impossible de... Voilà, c'est... il sautait dans l'eau, il remontait tout de suite, quoi. C'était... Voilà. C'est étonnant parce que GG, tu peux comprendre, mais Nicolas, putain, le mec, quoi, c'est footballeur, c'est une baraque. Putain, lui, il va nous faire un truc de tueur, quoi. Non, pas du tout. C'était vraiment très, très étonnant ce contraste entre le gars et sa prestation. C'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement avec GG, mais c'est vrai. Ah, GG, c'est inimitable. GG qui, je rappelle, a été condamné pour agression sexuelle. Donc voilà, vous aurez peut-être une image différente de GG. Voilà. GG, si tu nous entends depuis ta présence. Voilà. Arrête de toucher les petites filles. Est-ce que vous avez peut-être... Alors, c'est vrai que Béatrice est un petit peu la chouchoute, on va dire, des téléspectateurs sur Twitter. Est-ce que vous avez peut-être... Est-ce que vous partagez cette impression-là ? Est-ce que vous aimez beaucoup Béatrice ? Non. Bah, je suis un peu partagé parce que je trouve qu'entre les deux épisodes, elle a un peu changé de... Je ne vais pas dire de personnalité, mais en tout cas, elle n'a pas montré exactement les mêmes choses. Autant on la sentait déterminée, plutôt fiable et cohérente sur le premier épisode, autant là, j'ai pas trop compris si c'est le montage qui est très orienté ou si elle s'est un peu, je sais pas, laissée aller ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu l'impression de, j'ai pas retrouvé vraiment le premier, que sur le premier épisode, j'ai trouvé ça même assez étonnant qu'elle ne voit vraiment rien sur les tensions qui commencent un peu à naître, sur son rôle qui est un peu discuté, alors que elle montrait tout l'inverse sur le premier épisode. Donc, je sais pas vraiment quoi en penser, mais effectivement, je pense que c'est une bonne candidate, mais on sent un peu le truc venir quand même. Là. Alors, pour moi, il n'y a pas que Béatrice qui voit rien. Il y a nous, les téléspectateurs, qui ne voyons rien non plus. On ne sait pas pourquoi. Donc, ouais, c'est vrai. Il y a une fronde contre Béatrice. On ne sait pas d'où ça vient. Alors, est-ce que ça a été... on suppose que ça n'a pas été filmé. Enfin, on espère, parce que si ça a été filmé, c'est vraiment une faute professionnelle d'amateurisme. Mais on est familier des fois avec les fautes d'amateurs d'ALP, donc peut-être que oui. Mais franchement, enfin, moi, je sais pas, j'ai pas trop compris. Alors certes, on décèle dans le montage peut-être une attitude un peu de défiance de la part de Béatrice, mais... moi j'ai trouvé qu'au contraire j'ai trouvé que sa réaction vis-à-vis de Nicolas, justement vis-à-vis de la bouffe, était pas si mal, parce qu'elle s'est pas imposée non plus et tout. Donc moi j'ai été vraiment choqué. Alors c'est clair qu'elle voit rien venir, et ben nous non plus on voit rien venir, enfin moi du moins je n'ai rien vu venir. Très bien, merci à toi. Quelqu'un veut rajouter un avis sur Béatrice, ou peut-être passe-t-on aux autres candidats des jaunes? Alors Always qui nous dit que Béatrice est une très bonne aventurière mais qui n'est pas une bonne chef. Valentin qui nous dit que Béatrice manque un peu de charisme pour être chef. Et Felouz, tu as un fan maintenant de Rachael qui confirme absolument tout ce que tu as dit sur le montage. Alors c'est vrai que les jaunes, alors c'est vrai que généralement quand il y a trois équipes, il y a une équipe qui est un peu laissée pour compte. Cette année c'est les jaunes. Lors de, alors je crois que c'était Cambodge la première saison avec trois équipes. C'était les rouges qui étaient un peu mis de côté. Donc la première équipe des rouges avec donc Franck, Yacine, Manuela, Marjorie, Clémentine et quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est assez compliqué, j'ai l'impression, pour la part d'ALP, de dresser un petit peu un portrait complet de trois équipes, sachant que forcément, l'équipe qui va aller au conseil à cet épisode-là va avoir plus de temps d'antenne, c'est logique, et que l'équipe un peu plus fun, un peu plus entertainment, va également avoir du temps d'antenne, ce qui fait que ça fait passer les jaunes pour une équipe un peu de gens fades, alors que si ça se trouve, ça se passe super bien dans leur équipe, il y a de très bons personnages, et on rate peut-être quelque chose... intéressant. Je pense pas qu'ils soient fat, je pense qu'ils sont vraiment sur le... Enfin, du moins, c'est l'impression qu'ils m'en donnent, c'est qu'ils sont tous quand même... ils ont un côté très introverti, j'ai l'impression, et je pense qu'ils sont mesurés, on va dire, peut-être dans leurs propos, peut-être un peu trop, mais on l'a vu quand même, on a vu justement des discussions stratégiques entre Nicolas et Angélique, enfin, où ils ont parlé de Béatrice. Alors après, est-ce que... En fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'a fait Béatrice, et est-ce que le truc n'est pas amplifié contre Béatrice pour sortir le chef? Très bien. Alors, est-ce que nous passons sur un candidat jaune que vous aimez bien? Alors, il y a Tortue, je sais qui c'est Nicolas, il me semble, mais on l'appelle, enfin Freeze l'appelle Tortue, du coup ce sera son surnom pour toute la saison, qui a quand même qui s'est lamentablement foiré, donc à l'épreuve, ça en a parlé. Ah, il a fait autre chose de magnifique. Il a essayé d'aveugler le crabe en lui envoyant de l'eau dans les yeux. Ah, oui, c'est vrai. ça a été un moment de survie c'est extrême. C'est vrai. C'est vrai que noyer un crabe, c'est quand même beau. Il voulait même le noyer, je crois. Je sais plus. Je sais pas. J'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Je crois bien qu'il a dit le noyer. Oui, il voulait le noyer. Noyer un crabe, c'est con. Je sais plus. Est-ce que c'est lui qui est belge? Ouais. Oui, il est belge. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. Petit racisme anti-belge, désolé les gars. Pas trop de commentaires sur les jaunes, ça ne m'étonne pas tellement. S'il y a un peu de Karine, alors c'est la coiffeuse en effet, qui n'aime pas Béatrice apparemment. Du coup, on va passer maintenant à l'analyse un peu des rouges. Alors, c'était l'équipe qui a eu le plus de temps d'antenne cet épisode-là, et c'est normal tout simplement parce qu'ils sont allés au conseil. Alors, on va rien dévoiler pour l'instant, on va juste s'intéresser un peu à la dynamique des rouges. Là, il va y avoir, je pense, plus de choses à dire. Bah, Victor. Voilà. Victor, hein, c'est ouais. Le fils adoptif de Freddy, hein. parce que c'est exactement le même. Hein. Il fait exactement les mêmes erreurs que Freddy dans son comportement. Il est hautain, il est et ça passe pas. Et il peut faire autant de feux qu'il veut, il peut fabriquer autant de cabanes qu'il veut. En gardant ce caractère-là, ça va forcément au clash, quoi. C'est bien la preuve quand même que, au final, tu peux faire tout ce que tu veux dans Koh-Lanta. Le principal, c'est la sociabilité. Et si t'es pas capable d'être sociable avec ton équipe ou avec tous les autres aventuriers, tu vas forcément soit être viré, soit avoir 0% de chance de l'emporter. Et du coup, c'est suicidaire ce qu'il fait. Et il va le payer, je pense, assez cher. Est-ce que peut-être d'autres personnes veulent parler, peut-être de Victor? Ouais, ça a été pas mal résumé, effectivement. Ça fait un peu profil type du personnage qu'on va détester. Je pense qu'il joue beaucoup là-dessus, y compris au montage, parce qu'effectivement, je pense qu'il a des qualités, ce garçon, mais elles sont pas forcément mises en évidence par ses réflexions, par son côté un peu grande gueule, un peu l'ego surdimensionné. Donc forcément, ça appuie là-dessus. Et je pense que c'est quand même un personnage presque attachant, même s'il est vraiment, vraiment très chiant. C'est un profil intéressant, effectivement. C'est de manière générale une équipe avec des profils quand même assez variés et on sent qu'il y a un vrai potentiel en termes de démission, en tout cas. C'est vraiment des candidats un peu atypiques, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et Victor, là-dedans, dénote quand même parce que voilà, ça a été pas mal soulevé au conseil, mais on a du mal à le suivre, même psychologiquement. Enfin, on sent qu'il a un passé un peu compliqué, on sent qu'il a des choses à prouver et du coup, ça le rend un peu mi-attachant, mi-casse-couille, quoi. C'est pas tout à fait moi, mon avis sur Victor, déjà, il est fantastique. C'est quelqu'un de fantastique, vraiment. J'adore ce mec. J'adore. J'ai adoré le voir dans cet épisode. Autant je l'avais trouvé très très con la semaine dernière, autant là, il m'a vraiment fait plaisir. Il m'a vraiment fait plaisir parce qu'on a vu toute l'étendue de son personnage. Ce mec-là n'a pas de filtre. Il est sans filtre. Et ça fait plaisir de voir ça dans Koh-Lanta. Pour moi, c'est un Freddy amélioré, parce que c'est un Freddy qui est stratégique. Alors, c'est un mauvais stratège, bien sûr, mais il est stratégique. Il pense quand même stratégique. Et d'ailleurs, au conseil, il a été magnifique quand il a pleuré. C'était génial, c'était de la grosse manipulation émotionnelle, comme je les aime. Et il y est allé franco. Alors, c'est dommage, il aurait dû faire ça... J'en ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure. Il aurait dû faire ça, peut-être une demi, on va dire, je sais pas, peut-être 3 heures avant le conseil. Et peut-être que là, il aurait peut-être eu bien coup, ils auraient peut-être sorti. Xavier ? Il y a quand même quelques personnages intéressants. Donc, nous avons Chloé et Maud. Est-ce que. Il me semble que c'est Freeze qui voulait en parler, donc on t'écoute. Ouais, juste parler, enfin oui, effectivement, les deux dans leur style différent. J'ai pas trop compris la crise d'adolescence subite de Chloé. Effectivement, là aussi, au montage, il y a un peu des coupes quand même, parce qu'elle a réussi son épreuve précédente et d'un coup, elle rentre dans une espèce de rébellion digne de Pascal le Grand Frère. C'est un peu étonnant, mais bon, admettons. Et surtout, le rôle de Maud là-dedans, que moi, j'ai personnellement bien apprécié, même si c'était un jeu un peu dangereux, parce qu'elle a quand même révélé quasiment... toute la stratégie et tout le futur conseil, mais je m'attendais pas à la voir elle prendre position et à essayer d'emmener son équipe ailleurs que là où Victor voulait les emmener en gros. Donc j'ai trouvé le binôme plutôt intéressant. Je suis pas convaincu que ça aille très loin par la suite, mais en tout cas j'ai bien aimé cette prise de position et j'ai trouvé le twist plutôt sympa et plutôt inattendu, donc agréable. Du coup, moi, par rapport à Maud, j'ai hurlé devant ma télé. Mais heureusement que du coup, ça reste Koh-Lanta et que les candidats sont pas très très réactifs, parce que là, elle a donné son alliance quasiment. Elle avait vendu, elle les a tous poussés sous le bus en disant, de toute manière, moi, je voterai pas Chloé et donc du coup, je voterai Victor. Et par rapport à ça, bon, Chloé, pareil, c'est qu'on l'a, je rejoins ce que disait Fritz, c'est que du coup, on la voit un petit peu qui sombre petit à petit dans le mutisme et qui entre en rébellion. Et en fait, on voit, voilà, c'est ça, on ne comprend pas beaucoup pourquoi. Et du coup, c'est qu'elle ne fait aucun effort social aussi pour tenter de s'en sortir alors qu'elle est en danger. Et enfin, je voulais finir un petit peu sur Émilie. Donc, au conseil, Émilie qui abandonne son bracelet, on pourrait croire que c'est mal joué de sa part parce qu'elle le joue pour rien. Mais je pense au contraire que c'est un très bon coup de sa part parce que le poste de chef n'est pas du tout bon pour elle, c'est pas son truc. Et surtout, c'est que le rôle de chef, c'est un peu maudit, quoi. Et si elle restait chef, elle se faisait éliminer. Là, elle laisse tomber les responsabilités. Et du coup, ce sera l'occasion peut-être de prendre une meilleure place au sein de sa tribu. Donc je dis, bien joué, Émilie. Concernant donc Émilie, alors Émilie, donc moi j'en ai parlé donc sur une multi à part. D'ailleurs au passage, je salue Iname qui doit, je sais pas s'il écoute ou pas. Enfin bon bref, je le salue. Et concernant donc Émilie, alors Émilie au début, donc on l'a vu au début, elle était en mode je m'en fous, je vais même pas jouer le bracelet, je préfère qu'il me sorte. Elle a sa fierté, etc., etc. Bon, alors ensuite elle s'est ressaisie un peu puisqu'on a vu qu'elle a joué le bracelet donc au conseil, on a vu qu'elle voulait rester. Alors évidemment stratégiquement donc ça aurait été mieux pour elle de garder son bracelet parce que il était évident qu'elle n'allait pas sortir, il était évident que les autres ils avaient manifesté qu'ils voulaient soit virer Victor, soit virer Xavier. Donc elle n'allait pas sortir. Après elle l'a joué parce que je pense qu'elle s'est dit après tout. Autant le jouer, autant être sûr. Je pense qu'elle voulait être sûre. Je pense qu'elle en avait marre. Je pense qu'elle a cru qu'elle allait avoir des voix contre elle, malgré tout. Donc voilà, elle a joué son bracelet. Alors après, comment? Après, moi, je trouve que Émilie, c'est quand même quelqu'un d'attachant. Moi, j'aime bien Émilie. Je la trouve attachante. Je trouve que finalement, elle n'est pas stratégique. Elle s'est mise en alliance avec finalement deux personnes qui ne lui vont. Qui, je pense, ne lui correspondent pas réellement, même si elle les apprécie. C'était pas forcément avec ce genre de personne qui, enfin, qu'on va aller loin, même si on comprend pourquoi elle s'est mise avec eux. Concernant Maud, je trouve que Maud est excellente, vraiment excellente. Alors pas comme personne stratégique, mais j'aime beaucoup ce qu'elle renvoie. Elle a beaucoup d'énergie. C'est une femme, je trouve qu'on écoute. Et je pense que beaucoup de gens n'attendaient pas que Maud soit comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je n'attendais pas à ce que Maud soit comme ça quand j'ai vu au début son profil. Et pourtant, elle est comme ça. Et je trouve que ça va être un personnage, je pense, intéressant pour la suite du jeu. J'aime bien son franc-parler, justement, parce qu'elle est franche. Donc, du coup, elle a voulu sortir des choses évidemment hein, qu'il faut surtout pas dire normalement dans le jeu et tout, mais c'est Koh-Lanta, c'est pas Survivor, c'est pas les mêmes mentalités, donc ça passe dans Koh-Lanta, ça passe dans Koh-Lanta, C'est pas et faux. voilà, même si elle s'est fait quand même deux ennemis, enfin voilà, il reste Xavier et Émilie, on peut, mais moi je pense qu'Émilie peut comprendre quelqu'un comme Maud, je pense qu'Émilie peut comprendre quelqu'un comme Maud, et Émilie d'ailleurs a joué son truc aussi à elle. Donc je pense que finalement elle peut la comprendre. Il reste Xavier, mais alors Xavier, on ne sait pas encore grand-chose sur lui. Et puis bah voilà. Si ce n'est, alors pour en revenir aussi à Chloé, j'ai oublié Chloé aussi dans le trio. Chloé, elle est comment? Elle est acariâtre. Je sais pas vraiment quoi dire sur Chloé. J'aime bien, je l'aime bien. J'avais bien aimé dans les épreuves. J'aime bien. Enfin, moi j'aime tous les rouges, de toute façon, tous les rouges, je les trouve excellents. Vraiment, chacun a son truc. Chacun a son truc, Chloé comme les autres. Et voilà, mais alors c'est vrai que Chloé, son jeu social est nul, quoi. Enfin, voilà. Il n'y a même pas besoin de discuter, hein. Son jeu social est nul à chier, quoi. Et puis voilà, et puis ensuite, Alexandre, j'ai beaucoup aimé aussi Alexandre. J'aime bien son style. Le Minet, comme dit Maud, qui est aussi pas mal. J'aime bien Alexandre, j'aime bien ce qu'il dégage. C'est peut-être d'ailleurs le candidat que je préfère pour enfin du jeu pour le moment. J'aime bien son style. J'ai l'impression qu'il s'en bat la race. J'ai l'impression qu'il peut planter n'importe qui, n'importe quand, sans aucun problème, sans aucun problème. Donc je pense que lui, il va être intéressant, notamment pour les fans de coups de pute. Je pense que lui va être intéressant. Et puis, il reste Cyril. Alors Cyril, c'est le mec, voilà, c'est le mec qui parle bien, c'est le mec qui a l'air de bien gérer aussi d'un point de vue communication. J'ai entendu le mot tout à l'heure, je sais plus sur où c'était, le mot consensuel, et ça lui va bien, quoi. Consensuel, ça lui va bien, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens du terme. Je vais prendre quelques remarques de téléspectateurs. Il y a Valentin qui nous dit que pour lui, c'est trop tard pour Émilie, qui risque d'être la principale cible de l'Alliance des Quatre, sachant qu'ils vont sûrement conserver Xavier pour l'aspect survie. Cersei pense qu'elle peut quand même aller en réunification si elles se font bien dans la masse. Clément quand même vante les mérites de Maud en disant que c'est l'une des premières doyennes à bouger ses fesses stratégiquement. Et c'est vrai que les doyennes, on a plus l'impression de voir des personnes qui se laissent aller et qui ne font rien pour tenter de bouger les choses, alors qu'ils ont largement le pouvoir de peut-être de faire quelque chose de plus constructif. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir à peu près ça. Enfin, qui pense que Cyril a créé donc la fameuse alliance qui a abouti à l'élimination de Victor, comme on en a parlé. Mais, le twist. Et donc, c'est là où on va commencer à en parler. Nous avons tous vu la bande-annonce et quelque chose d'incroyable va se produire. Victor va revenir. Spoiler alert. C'est pas tellement un spoiler vu qu'il y a eu une BA, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer la production d'ALP comme une production professionnelle à ce niveau-là? Moi, je dis direct, non. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, tu es censé quand même créer une certaine cohérence, un certain dynamisme dans un épisode. Un épisode, surtout de Koh-Lanta, ça dure très longtemps. Il faut quand même être capable, pendant 2 heures et demie, il me semble, de garder quand même une certaine ligne de conduite. Et quand tu sais que pendant 2 heures et demie, tu t'es attaché à cette dynamique-là, que tu as vu une conséquence avec l'émission de Victor, que beaucoup de gens attendaient, et que en 2 secondes, tu vois que l'épisode n'a strictement servi à rien, bah c'est complètement con. C'est complètement con parce que là, le seul intérêt qu'on a, c'est bah, qui Victor va remplacer, quoi. Et moi, je trouve ça absolument insupportable. Et c'est pas la première fois qu'ALP fait ce coup-là. Et pour moi, à ce niveau-là, c'est juste de l'incompétence, c'est tout. Franchement, Koh-Lanta, c'est Koh-Lanta, c'est Koh-Lanta. Faut pas. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça. Alors après, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas comment Victor revient. Victor, c'est un bon personnage. C'est clair que ça sent le trucage à 99,9%. Mais bon, bah, c'est Koh-Lanta, ça fait partie du truc. On s'y attend, ils n'allaient pas. Et franchement, qui peut croire un seul instant qu'ils vont se passer d'un personnage comme Victor? Comme ça, tôt dans le jeu, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ne pouvaient pas, ils ne peuvent pas. Ils vont tout. Enfin, pour moi, je me mets à leur place. Je me mets à la place d'ALP, donc ça veut dire que je gère mon jeu. Comme le cirque Pinder. Donc, bah, ouais, je vais essayer de faire revenir le mec qui est divertissant, tu vois. C'est ce que je vais essayer de faire. Si je suis à LP, je vais essayer de faire revenir le mec qui va vraiment divertir les téléspectateurs. Et c'est ce que fait Victor. Victor est divertissant. Mais le fait que ALP soit obligé, on va dire, de traficoter un petit peu pour qu'un personnage revienne, n'est-ce pas la preuve peut-être de la faiblesse de casting qui pousse justement à conserver dans sa réserve deux, trois personnages très intéressants et très importants? Est-ce que ça ne montre pas juste le fait que ALP n'est pas capable de dénicher entre 18 et 21 personnes capables d'apporter du fun, du dynamisme, de la combativité, de la stratégie, des bons moments autour du feu? Et au final, c'est ça qui nous, moi qui m'inquiète en tout cas, ça veut juste dire que si tu es obligé de faire revenir quelqu'un sous prétexte que c'est un bon personnage, c'est peut-être parce que les autres personnages ne sont pas bons et que le casting a été mal fait, tout simplement. Après, ce que je dis, c'est n'allons pas trop loin non plus. C'est chiant qu'il le fasse revenir et qu'il le montre comme ça, qu'il le spoil. Mais après, attendons de voir. On ne sait pas à la suite de quoi, à la suite de quel abandon il revient. Donc est-ce que l'abandon va être suspect comme celui de Manuela lors de Koh-Lanta Cambodge qui a fait revenir Vincent et Manuela qui avait dit d'ailleurs sur Instagram que la prod s'était un petit peu empressée de la dégager pour faire revenir le gentil Guiman. Mais où Oui. est-ce que c'est un abandon qui se vaut? Attendons de voir quand même, je pense, avant de crier au trucage. Voilà, c'est ce que je dis. Non, moi Yannick. je suis d'accord avec le fait qu'effectivement on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est un peu compliqué de se prononcer. Juste, moi ce qui me dérange, au-delà même du retour de Victor, on ne sait pas à quoi c'est dû, donc admettons, ce qui me gêne profondément, c'est la façon dont c'est fait, avec un vieux spoil en fin d'émission. Je vois pas l'intérêt de ce passage. C'est-à-dire que, a priori, tous les gens qui sont là à ce moment-là ont déjà vu l'émission, donc c'est déjà des gens qui sont spectateurs, qui sont quasiment acquis de revenir la semaine d'après. Quelle est vraiment la plus-value de ce spoil à la con sur le déroulé et sur l'audience, puisque c'est uniquement le but? Je comprends vraiment pas. C'est vraiment, pour moi, un peu se tirer une balle dans le pied de faire ça à ce moment-là, qui balance ça dans la semaine éventuellement pour rappeler la date de l'émission, admettons. Mais là, en fin d'émission, effectivement, on a quand même ce sentiment d'avoir maté ça pendant 2 heures pour pas grand-chose. Et c'est quand même très agaçant. Donc, sur le fond, le retour de Victor me pose pas forcément de soucis. mais je trouve que sur la forme, c'est vraiment très très mal fait. Et ouais, c'est franchement là, c'est je pense que t'as tout dit. Alors c'est vrai que je suis allé un peu plus loin, mais c'est vrai que j'ai tellement eu l'habitude. On a tous vu les épisodes un par un, mais c'est vrai qu'on a tellement eu l'habitude de voir des retours un peu surprenants que au bout d'un moment, ça peut faire vriller, je trouve. Et c'est vrai que moi, j'en ai un peu marre. Alors si jamais c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à pas de chance, hein, bien sûr. Mais perdre 2h30 pour ça. C'est suspect quand même. C'est suspect, il faut dire ce qui est, c'est suspect. C'est vrai que ça fait écho avec une problématique. C'est pour ça, enfin, comment dire, c'est pour ça que je pense qu'il est légitime d'en parler, parce que c'est quand même pas clair. Parce qu'on a passé, comme tout le monde l'a dit, on a passé 2 heures à regarder l'épisode. On voit Victor sortir, et puis ensuite on voit Victor revenir 2 secondes après, quoi. Donc on sait qu'il va revenir, il n'y a rien entre. Quand même abusé, et c'est vraiment très très suspect. Voilà, c'est vraiment très très très suspect. Donc on attend de Surtout que. voir ce qui va nous sortir la prod, mais c'est quand même très suspect. Moi, c'est Surtout que ce vraiment truc comme. un peu répétitif avec Koh-Lanta où on nous gâche l'effet de surprise à chaque fois. Et c'est vrai que c'est vraiment gonflant. Du coup, on sait la semaine prochaine. Et en fait, on va attendre d'avoir la bande-annonce de la semaine prochaine pour savoir quelle va être la surprise qu'on va avoir après, quoi. C'est toujours le même truc. C'est un peu comme quand on a eu le dernier All-Star, là, et on avait dans tous les magazines les quatre candidats qui allaient être, bah, comme par hasard, au carré final à la fin. Dès le premier épisode, on les voyait tous. Ouais, ça y est, on se voit, machin, on est en vacances là, on va là-bas. Bon, ça va quoi. C'est, enfin, il y a vraiment un gros problème au niveau de la communication, de garder un secret. Moi, j'aime bien être surpris pendant un épisode et pas me dire bon, alors c'est quand que on va avoir la fameuse surprise qui va tomber quoi. Parce que voilà, c'est vrai que ça nous gâche vraiment une grande partie de l'épisode. Et ce premier épisode qu'on a eu la semaine dernière, ça m'a vraiment saoulé parce qu'on savait déjà tout. On savait tout ce qu'il allait y avoir. Enfin, tous les candidats, on avait déjà parlé sur les réseaux sociaux à droite à gauche. On avait vu les poteaux, on savait tout, quoi. Donc, bon, bah, vas-y, on voit tes portraits. Comme ça, on voit les portraits maintenant. Mais voilà. Mais l'épisode de la saison dernière était vraiment. Enfin, voilà, c'était déjà. On savait déjà tout ce qu'il allait y avoir. Et c'est un peu chiant qu'à chaque fois, bah, on nous donne toutes les infos pré-mâchées en avance. Putain, on est des spectateurs, quoi. On n'est pas des vaches à lait, quoi. On n'est pas des bœufs, quoi. Voilà, surprenez-nous, quoi. Surprenez-nous. On a besoin de ça, quoi. Est-ce que vous seriez capable de boycotter les prochains épisodes de Koh-Lanta justement pour inciter ALP à ne plus reproduire ce phénomène de cassage de suspense, du coup? Absolument pas. Moi non plus. Non, mais parce que ça aurait vraiment strictement aucune incidence, donc c'est clairement juste se priver d'une émission, ça serait un peu con. Les mais gilets jaunes de bien. Koh-Lanta. On va sur un rond-point et puis voilà. Non, mais je sais pas ce qui peut avoir comme autant d'un feu. impact. Je sais pas. Je pense que eux, dans leur maquette et dans leur façon de faire, c'est acté. Et j'ai pas l'impression Ouais. qu'ils aient envie de changer. Mais c'est vraiment très dommage en tant que spectateur. Ça, c'est évident. Ouais. C'est juste. Bah, ça coupe une bonne partie du plaisir, ouais, comme on a dit tout à l'heure, ça c'est clair. Bah, de toute Et façon, pour le king. je veux dire, la production et TF1 n'ont absolument strictement rien à foutre. Je veux dire, eux, ils ont leur truc. C'est pas parce que t'as, je sais pas, t'as des clampins qui vont dire que c'est pas bien, qu'ils vont changer leur truc, hein. C'est clair. Hein. Si l'audience s'écroule, peut-être qu'ils changeront. Mais Du boycott, hein, je dis pas qu'il faut le faire, mais. Après, moi, ce que je me demande, c'est quelle est leur logique? Quelle est la logique derrière leur montage? Quelle est la logique derrière leur communication? Ils ont fait beaucoup de communication sur les réseaux avec le coup des poteaux dans Paris. Ça, c'était très bien fait. Mais là, moi, je me rappelle un truc que tu avais dit, Space Babies, une fois sur ton Discord. C'est, par exemple, pour la première, ils invitaient des influenceurs. C'était pour le dernier All-Star. Ils avaient invité des Oui. influenceurs. Et la moitié des influenceurs ne connaissait absolument pas les candidats, ni même l'émission. Or, C'est c'est ça. par exemple, toi, quelqu'un comme toi qui est un peu connu là-dedans, qui est un peu connu dans le milieu, ils ne sont pas invités, ils t'ont jamais contacté. Et ça, je trouve ça très bizarre quand on voit, par exemple, la version américaine qui est très, très active de ce point de vue-là, qui est très près de sa communauté de fans et en même temps des casus, donc on va dire du spectateur lambda. Et en fait, que TF1, on a l'impression qu'ils Voilà, qui font les choses un peu à la va comme je te pousse, c'est un peu n'importe comment, et on a du mal à comprendre un petit peu leur cohérence dans la manière de vendre un petit peu leur émission et d'interagir avec leur communauté. Non, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, TF1, ils m'invitent pas parce que ça y est, je suis acquis à leur cause, donc ils s'en foutent. Hein, c'est bon. Hein. Ah Ils voilà, vont c'est plutôt exactement aller, ça. voir des. Alors déjà des jeunes, parce que moi, je suis un vieux. Hein, donc voilà, plutôt des jeunes, parce qu'il faut aller sur les réseaux, sur YouTube, machin, avec des jeunes. Il faut vite, vite attirer des jeunes, parce que TF1, ils en peuvent plus. Hein, y a que des vieux qui regardent TF1. Donc il faut vraiment des jeunes, vite, vite, vite, plein, plein. Ouais. Et donc voilà, des YouTubeurs, t'as quoi? T'as 19 ans, t'as 20 ans, allez, je te prends, viens, viens. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Space Babies, c'est bon, de toute façon, on sait que la saison prochaine, il va encore faire des parodies sur nous. Donc qu'est-ce qu'on s'en branle de l'inviter ou pas, ce sera pareil. Voilà. C'est Plus, toi, exactement ça d'ailleurs. t'avais eu des problèmes, toi, David, avec TF1 qui t'avait strike pendant un moment tes vidéos. Je m'en souviens. Oui, tout à fait, mais bon, ils ont ils sont arrêtés de faire les cons, et c'est vrai. Non, mais ouais, non, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai un contact direct à TF1. Si jamais j'ai un souci de strike, ils me l'enlèvent de suite. Donc à ce niveau-là, maintenant, je suis tranquille. Mais c'est vrai qu'à un moment, ils ont voulu faire les cons parce qu'ils voulaient absolument. Mais ça, c'était la nouvelle prod d'ALP, hein. C'était vraiment avoir un contrôle absolu de l'image. La moindre image de Koh-Lanta qui sortait, de suite, t'avais des emmerdes. Hein. Sur Twitter, c'est encore le cas. Hein. La moindre captation vidéo Ah ouais? se fait strike immédiatement et parfois même le compte saute avec. D'accord, Ils sont ouais. encore hyper rigides là-dessus. Ouais. Ouais, donc c'est très très particulier au niveau, enfin à ce niveau-là. Et bon, moi j'ai la chance que maintenant ça va, ils me font plus chier, mais c'est particulier parce que quelque part tu leur fais de la pub, t'es là, tu fais le fan service derrière quoi. Donc aller te casser les couilles, tu te dis mais attends, tu me fais quoi là? Qu'est-ce qui vous arrive les gars? On parle de l'émission, on est entre voilà, c'est Alors, sûr qu'aux États-Unis ça fonctionnerait pas du tout comme ça. bah, je pense que c'est quand même un peu plus professionnel. Après, bon, il peut toujours y avoir des fioritures, mais c'est très très rare aujourd'hui aux States. Alors, on va quand même prendre quelques commentaires de spectateurs. Il y a. Ouais, vas-y, C'est différent Felouz. aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, Survivor est vraiment sur un marché de niche, tandis que Koh-Lanta se veut pour tout le monde. C'est pour les. Enfin, Koh-Lanta vise essentiellement non pas les fans, mais les spectateurs occasionnels. C'est ça que vise Koh-Lanta, et Koh-Lanta ne vise pas autre chose que ça. Et d'ailleurs, Space Babies l'a très bien dit, eux, ce qu'ils veulent, c'est les jeunes, ils ne veulent pas les vieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la saison dernière, ils ont tout fait pour faire gagner un jeune, parce qu'il faut que l'image de l'émission soit jeune, parce que TF1 veut ramasser les jeunes, c'est tout. Je pense que là, on sera à peu près tous d'accord là-dessus. Je vais prendre quelques commentaires de spectateurs. Cersei qui nous dit que la production aurait juste dû teaser un événement marquant ou un coup de théâtre sans montrer Victor. Globalement, on nous parle d'erreur de montage pour chez les spectateurs, ce qui est là-dessus évidemment quelque chose qu'on partage à peu près tous. Mais c'est vrai que, alors, est-ce que vous voulez faire d'autres commentaires peut-être sur le montage d'ALP, peut-être notamment le traitement de faveur pour certains candidats, quand on voit certains candidats qui sont En fait, complètement coupés du montage? le souci de Koh-Lanta, c'est que c'est l'éternel recommencement. Je vais aller dans la comparaison avec Survivor. Survivor, chaque saison est différente. Chaque saison apporte son truc. Chaque saison, le montage va changer, etc., etc. Dans Koh-Lanta, c'est toujours l'éternel recommencement. Alors, on va créer les équipes. Ensuite, on va voir comment est leur premier jour. Ensuite, on va voir qui va faire le feu, qui va aller trouver la source d'eau, etc., etc. C'est toujours le même schéma qu'on suit, d'accord? Et puis, à la fin de l'épisode, enfin, à la fin de l'épisode, après l'épreuve d'immunité, c'est là où on voit des choses un petit peu différentes. Mais sinon, c'est toujours la même chose. Et même là, malgré le grand twist, la guerre des chefs, etc., etc., eh bien, on voit toujours le même schéma qui se reproduit. En fait, Koh-Lanta n'évolue jamais. N'évolue jamais. C'est toujours les mêmes machins qu'on voit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'un. Comment? C'est pour ça qu'il s'adresse à un public occasionnel et non pas à un public de fans. C'est ça, Koh-Lanta. C'est pas autre chose que ça. Et ensuite en ce qui concerne le montage, moi je pense, parce qu'en fait, faut savoir comment se passent les castings. Les castings, évidemment, la plupart des gens qui le recherchent, c'est des gens qui vont être actifs. C'est-à-dire, c'est des actifs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs cette saison. C'est des gens qui sont déterminés, qui ont leurs propres avis, etc., etc. On voit d'ailleurs, il y a énormément de profils où les gens, voilà, ils ont une vie un petit peu, enfin, ils sont très actifs, ils bougent beaucoup, ils font du sport, etc., etc., ou d'autres choses. Hein. Je parle du sport parce que là, il y a beaucoup de sportifs, mais ça peut être autre chose. Et en fait, on voit, malgré le fait, malgré qu'ils aient des gens quand même qui sont bien déterminés, qui ont une vie vraiment nickel chrome, qui sont très très actifs dans leur vie, etc., etc., et bien malgré ça, quand tu es sur l'île, beaucoup de ces gens-là bah, vont s'éteindre parce que les conditions sont extrêmement dures. Et c'est pour ça qu'ils veulent prendre des gens qui sont extravertis, qui sont actifs, parce que les conditions sur l'île vont être dures. Donc si les gens dans leur vie ne sont pas comme ça, ça veut dire qu'ils vont être complètement éteints sur l'île. Et bah, on en voit encore, il y en a encore qui sont éteints, et voilà. Mais il y en a aussi qui ne le sont pas. Merci à toi pour cette analyse. J'aimerais quand même rajouter deux choses. Le fait qu'on voit toujours les foulards rouges, les foulards jaunes, déjà, comme équipe, c'est vrai que ça crée de la redondance, et du coup, les équipes n'ont pas leur identité. La preuve, les noms d'équipes, on s'en fout, et c'est toujours remplacé par les rouges, les jaunes, ou des fois les bleus. Et c'est pour ça qu'on a aussi des personnes qui, chaque année, vont supporter soit les rouges, soit les jaunes, soit les bleus, et du coup, ça ne renouvelle pas. Et il y a également aussi quelque chose dans la communication par rapport aux fans. Le fait que chaque année, Denis Brognard dise qu'un tel ait fait un record, un tel est la meilleure femme ou le meilleur homme, alors que si on regarde les données, c'est complètement faux ce qu'il raconte, notamment l'an dernier, quand il dit que Pascal était le premier à avoir gagné deux fois les poteaux, ce qui était faux. Ou quand Alexia Laroche-Joubert avait dit que Benoît était le premier gagnant à l'unanimité, ce qui était également faux. On peut voir que ouais, donc les fans ne sont pas trop... ne sont pas du tout la cible d'ALP et qu'il n'y a même pas un souvenir de mémoire vis-à-vis des dernières saisons, sachant que normalement, si tu connais un peu ton émission, tu sais qu'il y a 15 ans, c'était tu connais le vainqueur avec les candidats, tu sais ce que tu as fait, sachant que Denis Brognard était déjà à la présentation du programme à ce moment-là. Normalement, il n'a pas trop le droit à l'erreur sur ce plan-là. Nous allons donc passer au jeu de cette saison. C'est un jeu de pronostics. Chaque semaine, vous devez parier les trois candidats dont vous pensez qu'ils ont le plus de chances de partir. Sachant que si jamais parmi donc, ces trois candidats que vous choisissez, l'un part, il vous rapportera des points. Plus vous le classez en haut de votre hiérarchie, plus il vous rapportera de points. Donc le premier vous rapportera 3 points, le deuxième 2 points. Et le dernier, un point. Sauf que vous ne pouvez parier que sur 5 épisodes. Sachant que le barème de points augmente au fur et à mesure du nombre d'épisodes que vous avez parié. Par exemple, le deuxième épisode vous rapportera 2 fois plus de points que par rapport au barème initial. Le troisième épisode sur lequel vous pariez vous rapportera 3 fois plus de points. Qui veut donner son top 3 à l'oral ? Bah, je peux commencer. Écoute, je t'en prie. Je vais dire Karine. Je pense que ça sera elle, l'abandon. Ou le forfait médical. Ensuite, je vais partir sur Xavier, qui, je pense, va se faire sortir logiquement après Victor. En tout cas, c'est ce que je pense. Et après, on va tenter un petit pari, peut-être risqué, je vais dire Sophie. Douze, David, Damien. Moi, je ne sais pas, donc je ne me prononcerai pas. Je ne vais pas être joueur sur le coup. pas de souci, David. Felouz, Damien. Moi, je me garde pour un autre épisode. Bien. On a Valentin qui nous dit Émilie en 1, Victor en 2, Frédéric en 3, Ima Survivor qui nous dit Sophie en 1, Béatrice en 2, Karine en 3, Cersei qui nous dit Chloé en 1, Karine en 2, Béatrice en 3, Rachel qui nous dit Sophie en 1, Karine en 2, Émilie en 3, Freeze donc qui nous a dit Karine en 1, Xavier en 2, Sophie en 3, Damien qui nous dit Xavier en 1, Béatrice en 2 et Cindy en 3, Felouz, Damien, Freeze, Space Babies, est-ce que vous avez un dernier mot à dire Non, bah après, c'est toujours sympa de parler Koh-Lanta. C'est vrai qu'il y a une recette Koh-Lanta qui est là. Hein. On peut pas, c'est comme ça, Koh-Lanta. C'est un casting avec, ils cherchent des profils bien définis. Ils nous coupent les surprises bien souvent. C'est vrai que ça, c'est un peu décevant. Mais bon, c'est une émission qui demeure familiale, plutôt sympathique. Moi, c'est vrai que je peux la regarder. Soit avec ma femme, soit avec ma fille qui a 6 ans, et ça marche avec les deux, quoi. Donc, ça, c'est une émission qui fonctionne, qui est sympathique à regarder, et que moi, j'aime particulièrement parodier. C'est vrai que, justement, ce coup d'avoir un casting avec vraiment des personnalités assez fortes, assez sympathiques, et je pense qu'on va bien rigoler avec Fred, parce qu'on en a beaucoup parlé au début, on n'en a plus parlé après. Fred, c'est l'aventurier improbable, et je suis trop content qu'il soit revenu dans l'aventure parce que il va donner un petit peu de fraîcheur. Et ça va être bien, cette fraîcheur-là. Wow. par exemple. Moi, ouais, Damien. Moi, je pense qu'on va avoir une bonne saison de Koh-Lanta. En tout cas, c'est bien parti pour. Donc, après, moi, je suis capable de. Je vais passer outre les trucages, outre tout ça, et je vais essayer. Moi, je me focus vraiment sur le fait. Voilà, c'est comme si je regarde une série et je veux apprécier la série que je regarde et j'en attends pas autre chose et je veux être diverti. Pour l'instant, c'est le cas. Ouais, non, je suis un peu assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai qu'on a été un peu critique envers l'émission et le montage, mais effectivement, ça fait le taf largement. On est quand même, on en parle pendant 2 heures le lendemain de la diffusion. C'est quand même que ça marche encore et que ça nous prend encore et que voilà. Après, on peut débattre des heures et des heures sur et le casting et le reste, mais au final. C'est toujours aussi plaisant, toujours aussi agréable, et je suis d'accord, cette saison s'annonce très sympa à suivre. Donc voilà, vivement les prochains épisodes et les prochains podcasts. Les prochains reviews sur Topito également, hein. Voilà, on va peut-être en profiter évidemment. Pour faire la pub de chacun et chacune. Donc Freeze, qui donc chaque semaine nous fait ses reviews sur Topito, donc avec pas mal de gifs et remarques amusantes. Les vidéos parodiques de Space Babies également, que vous retrouvez chaque semaine sur sa chaîne YouTube Space Babies TV. Également donc Big Forum administré par Felouz, et nous avons également Sgorg, qui est donc un simulateur de Koh-Lanta que Damien organise, la 7e saison de Sgorg qui est administrée par Damien. Et c'est sur ces tendres mots, mesdames et messieurs, que nous allons nous quitter. Alors merci à vous tous d'avoir participé, donc ce soir donc les intervenants radio, donc Damien, Felouz, Freeze, David, je vous remercie énormément pour votre présence. On vous retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode de Tour du Feu qui parlera du 3e épisode de la guerre des chefs, la saison fin de Koh-Lanta. A très vite, bisous. Salut. Salut tout le monde. Ciao.